Juge chapitre 5. En ce jour-là Déborah, avec Barak fils d'Abinoam, chanta en disant, « Bénissez l'Éternel de ce qu'il a fait de telle vengeance en Israël, et de ce que le peuple a été porté de bonne volonté. Vous rois écoutez, vous princes prêtez l'oreille, moi, je chanterai à l'Éternel, je psalmodierai à l'Éternel le Dieu d'Israël. Ô Éternel, quand tu sortis de Séir, quand tu marchas du territoire d'Édom, la terre fut ébranlée, même les cieux fondirent, les nuées, dis-je, fondirent en eau. Les montagnes s'écoulèrent de devant l'Éternel, ce Sinaï s'écoula de devant l'Éternel le Dieu d'Israël. Au jour de Sangar, fils de Hanat, au jour de Jaël, les grands chemins n'étaient plus battus, et ceux qui allaient par les chemins, allaient par des routes détournées. Les villes non murées n'étaient plus habitées en Israël, elles n'étaient point habitées, jusqu'à ce que je me suis levé, moi Déborah, jusqu'à ce que je me suis levé pour être mère en Israël. Israël, choisisse cette île des dieux nouveaux, alors la guerre était aux portes. A-t-il été vu bouclier ou lançant 40 000 d'Israël? J'ai mon cœur vers les gouverneurs d'Israël, qui se sont portés volontairement d'entre le peuple. Bénissez l'Éternel. Vous qui montez sur les ânesses blanches, et qui êtes assis dans le siège de la justice, et vous qui allez dans les chemins, parlez. Le bruit des archers ayant cessé dans les lieux où l'on puisait l'eau, qu'on s'y entretienne des justices de l'Éternel, et des justices de ces villes non murées en Israël, alors le peuple de Dieu descendra aux portes. Réveille-toi, réveille-toi, Déborah, réveille-toi, réveille-toi, dit le cantique, lève-toi Barak, et emmène en captivité ceux que tu as fait captifs, toi fils d'Abinoam l'Éternel, a fait alors dominer leur échappé, le peuple sur les magnifiques, l'Éternel m'a fait dominer sur les forts. Leur racine est depuis Ephraïm jusqu'à Amalek, Benjamin a été après toi parmi tes peuples, de Makir sont descendus les gouverneurs, et de Zabulon ceux qui manient la plume du scribe. Et les principaux d'Issacar ont été avec Déborah, et Issacar ainsi que Barak, il a été envoyé avec sa suite dans la vallée, il y a eu aux séparations de Ruban, de grandes considérations dans leur cœur. Pourquoi t'es-tu tenu entre les barres des étables, afin d'entendre les cris des troupeaux? Il y a eu aux séparations de Ruban de grandes consultations dans leur cœur. Gala est demeuré au-delà du Jourdain, et pourquoi Dan s'est-il tenu au navire? Azès est tenu au port de la mer, et il est demeuré dans ses havres. Mais pour Zabulon, c'est un peuple qui a exposé son âme à la mort, et Nephtali aussi, sur les hauteurs de la campagne. Les rois sont venus, ils ont combattu, les rois de Canaan ont alors combattu à Taanach, près des eaux de Megiddo, mais ils n'ont point fait de gain d'argent. On a combattu des cieux, les étoiles, dis-je, ont combattu du lieu de leur cours contre Sisra. Le torrent de Kizon les a emportés, le torrent de Kedumim, le torrent de Kizon, mon âme tu as foulé aux pieds la force. Alors a été rompue la corne des pieds des chevaux par le battement des pieds, par le battement, dis-je, des pieds de ces puissants chevaux. Maudissez Meurose, a dit l'ange de l'Éternel, maudissez, maudissez ses habitants, car ils ne sont point venus au secours de l'Éternel, avec l'effort. Béni soit par-dessus toutes les femmes Jaël, femmes des Bécaniens, qu'elles soient bénies par-dessus les femmes qui se tiennent dans les tentes. Il a demandé de l'eau, elle lui a donné du lait, elle lui a présenté de la crème dans la coupe des magnifiques. Elle a avancé sa main gauche au clou, et sa main droite au marteau des ouvriers, elle a frappé Sisra, et lui a fendu la tête, elle a transpercé et traversé ses tempes. Il s'est courbé entre les pieds de Jaël, il est tombé, il a été étendu entre les pieds de Jaël, il s'est courbé, il est tombé, et au lieu où il s'est courbé, il est tombé là tout défiguré. La mère de Sisra regardait par la fenêtre, et s'écriait en regardant par les treillis, « Pourquoi son char tarde-t-il à venir? Pourquoi ses chariots vont-ils si lentement ?» Et les plus sages de ces dames lui ont répondu, et elle aussi se répondait à soi-même, « N'ont-ils pas trouvé, ils partagent le butin, une fille, deux filles à chacun par tête. » Le butin des vêtements de couleur est à Sisra, le butin de couleur de broderie à deux endroits, autour du cou de ceux du butin. Qu'ainsi périssent, ô Éternel, tous tes ennemis, et que ceux qui t'aiment soient comme le soleil quand il sort en sa force. Or le pays fut en repos 40 ans.